rapide à penser. Mais son état pile, y a deux jours écrit dans l'ester. Moi je ne suis pas le boss du rap français. Juste un bonhomme à qui on dit pas cancer. Je me travestis pas, j'ai choisi d'avancer. Moi je ne suis pas le boss du rap français. Juste un bonhomme à qui on dit pas cancer. Tu retiendras sûrement qu'on est des loups. Tu remettras ce morceau lorsque je serai plus parmi vous. J'étais loin d'être un saint, mais le fond était bon. Mon enfance n'était pas simple, un voleur, elle était pauvre. Pauvre, pauvre, en tout cas j'ai remarqué que oui, mais je souffrais, plus mon vécu se démarquait. Toute ma vie j'ai fait des choix, je sais que c'est pas instinct. J'ai pensé comme un loup, je voulais forcer le destin. J'ai trop manqué d'amour, d'ailleurs j'en avais trop à donner. Puis tu m'égardes, mon gros, on était pro abonné, l'oseille en pagaille. Gros, on était trop à voler, on dit non pas gaffe. Des coups, il fallait trop en donner, ça n'était pas grave. Je ne pensais pas que j'étais en tort, une rage à l'intérieur. Je voyais ma mère pleurer en tôle, la rue ma deuxième mère ne m'a jamais bercé, non. Prends tes sous et donne toujours ta part. Je ne travestis pas, j'ai choisi d'avancer. Mais sur mes papiers, y'a toujours écrit gangster. Moi je ne suis pas le boss du rap français. Juste un bonhomme à qui on dit pas cancer. Je ne travestis pas, j'ai choisi d'avancer. Moi je ne suis pas le boss du rap français. Juste un bonhomme à qui on dit pas cancer. Sinon, dis-moi, quoi beau faire à part ça. J'ai 13 ans, je vis dans la rue, je m'en bats les couilles du Barça. J'ai volé à manger, puis j'ai braqué sa mère. Inconscient du danger, que les flics t'amènent. Oui, j'ai roulé ma bosse, oui, j'étais seul au monde. Mini en cellule, sans ouvre-boîte, avec ma boîte de thon. Avec ma boîte de thon, Dieu de mes 16 ans. Que Dieu m'en soit témoin, je rêve déjà d'avoir les M16 hein. Percé par Kerry, le ralouk est intouchable. J'ouvrais la piste pour faire un gros roi d'Alahnoucha. Ne fais pas ta morale, je ne mange pas tes salades. Tu paies pas mon loyer, je prends mes sous et salade. À l'époque, s'il y avait 100 000 fous, et ben j'étais dedans. Starfolin, un petit diable avec une tête d'ange. Je dois le reconnaître que j'en ai fait du mal. Excusez les amis, ce qu'on voulait tous, c'était du marbre. Navré, j'avais la dalle, j'ai mangé le pavé. J'ai brisé des cœurs, le mien pensait qu'à brasser. Voulu qu'on se recroise, mais le destin s'est tracé. Mon orgueil au fond d'un puits, je voulais vous embrasser. Ceux en qui j'ai rancune, je ne vais pas trop parler. D'en haut, je verrai mes frères vous enfoncer des balais. De toute façon, je suis encore la bébé, il me reste un peu de temps. J'arrêterai pas tant qu'il leur restera. Tant qu'il leur restera un peu de temps. Tant qu'il leur restera un peu de temps. Je me travestis pas, j'ai choisi d'avancer. Mais sur mes papiers, y'a toujours écrit gangster. Moi je ne suis pas le boss du rap français. Juste un bonhomme à qui on dit pas gangster. Je me travestis pas, j'ai choisi d'avancer. Moi je ne suis